fonctionnement de l'élection, ça doit changer. Ah oui, là, c'est pas mal. Avant même 2008, je me suis engagé à ce que je veux dire. J'ai même pas voulu présider. Sur le comité de travail, c'était pas d'aller. Les composants ont été présentes, je pense. Mais justement, en parlant de composants, par exemple, là, vous venez d'élire. Parce que moi, je voudrais sur ce qui reste, on pourrait parler. J'ai pas moins de reproches à faire à vous, M. Adam. D'accord ? Quand on voit, monsieur, je vais vous faire comprendre une chose. C'est pas une obstruction de ma part. Est-ce que vraiment vous pensez que vous faites tout comme ça? Quand vous mettez, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Là, récemment, David Boubacar, que l'on appelle, et vous savez, dans la communauté, on appelle David Boubacar. Je vous laisse, ça peut être quelqu'un d'exact, vous avez sûrement compris quoi. Et il n'y a pas de souci, on l'appelle comme ça pour ça. Moi, je vous demande simplement comment ça se fait que cette personne qui est haïe au sein de la communauté musulmane, elle soit présidente d'honneur et remerciée pour les bons et loyaux services qu'elle a rendus au sein du CLCM. Et je finis avec encore une chose. Toutes les institutions religieuses, vous êtes musulman? Oui, bien sûr. Je le suis. Vous êtes musulman. Nous, poser la question, c'est déjà. Qu'est-ce qui est provoquant? Non, je vous fais confirmer que vous l'êtes, je le suis, oui. Donc on va se parler de musulman à musulman. Pas au sein des institutions représentatives, c'est ça. Est-ce que vous considérez qu'un homme, un monsieur, est légitime à la place de représentant d'honneur? Pire que ça, monsieur, vous savez, vous avez été vous-même en 2009, vous-même, on ne parle pas de monsieur Boubacar. Vous étiez au dîner du CRIF, je crois que c'est deux semaines après. L'opération pour durcir à Gaza. Quand on parle d'islam, on parle aussi de théologie, de spiritualité. Monsieur Moussaoui, je vais vous faire dire, on est d'accord, en Palestine, ça nous touche ce qui se passe là-bas. Bon. Est-ce que vous considérez, et pas qu'en Palestine, on pourrait parler d'autres sujets, il n'y a pas de souci, est-ce que vous considérez normal que le représentant du peuple musulman se pointe tous les ans, et en particulier cette année-là, en 2009, pendant deux semaines, je crois, exactement combien de temps, mais ça peut passer deux semaines après, au dîner du CRIF, qui évidemment est le bras israélien en France, voire en tout cas le soutien de la politique israélienne. Je ne sais pas présent. Vous n'avez pas été. Il y avait. On a fait une chose. Par exemple, monsieur qui s'est fait le CRIF. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec le CRIF, monsieur? Elle a invité tous les représentants du CRIF. Il y avait le représentant de l'administrateur, les orthodoxes, les protestants, il y avait les musulmans. Qui à notre sens sont les premiers fabricants de l'islamophobie. Ils étaient tous. Le CEPSEM avait deux possibilités, soit d'y participer ou de ne pas participer. Exactement. Nous, on aurait pas participé. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait transformé. En tout cas, les musulmans auraient dit, monsieur Moussaoui, je vous appelle. Le soutien n'est pas forcément de la manière que vous pensez. D'accord. Donc vous pensez que le meilleur soutien, c'est celui-là? Non, c'est d'y aller. Non, il y avait une volonté de dire qu'il y a des problèmes en France entre les musulmans et les juifs. Or, il n'y a pas de problème entre les musulmans et les juifs en France. D'accord. Donc il faut pas. Le problème, il est en Palestine. Il y a un occupant. On est quand même un peu concerné, mais allez-y. Oui, non. Je laissez-moi terminer, vous allez voir. Le fait de transformer, de dire qu'il y a un problème ici, ça détourne le regard de l'opinion publique de ce qui se passe sur le vrai terrain vers la France où il n'y a pas vraiment d'enjeu. En France, il n'y a pas d'enjeu. Ils sont des citoyens d'une même nation, ils vivent ensemble. Bon, il y a quand même des ministres, qui existent en France. Si on avait créé un climat de tension entre les musulmans et les juifs, on va parler du fait que les musulmans ne veulent plus parler aux juifs, etc. On aurait transformé un problème qui avait lieu ailleurs, sur la terre de Palestine, où il y avait une population qui souffre. On va transformer la discussion, et tous les médias, tout le monde va parler de la situation en France. Or, quel service on aurait rendu aux Palestiniens de transformer l'opinion publique française sur un sujet qui ne concerne pas véritablement les Palestiniens? On ne va pas les aider de cette manière-là. C'est pour cela. C'est paradoxal. Est-ce que vous les aidez en y allant? Justement, je vous dis plus, CFSM a voulu que le dîner du CRIF soit un non-événement pour la question palestinienne. Si on avait fait un événement ici, en disant le CFSM a boycotté, etc., mais d'ailleurs on ne parlait que de cela, finalement la situation en Palestine, elle va être occultée. par un autre sujet qui ne servira pas. Donc nous avons voulu que notre présence soit au même titre que les autres représentations religieuses. Mais vous n'êtes pas au même titre. Non, on est au même titre, on est une institution religieuse. Non, les chrétiens, les orthodoxes ou quoi, sont pas, ou beaucoup moins, concernés par la situation en Palestine. Ils sont également concernés. Ils vivent la même chose. Les premiers concernés sont également concernés. C'est pour ça que je vous disais, la position de l'institution, c'est de dire que ça n'est pas au CFCM de créer une situation ici en France qui détournerait l'opinion publique de ce qui se passe réellement là-bas. Et ça, c'était notre position. C'est peut-être qu'on s'est trompé dans le choix. Mais certainement trompé. C'est votre jugement. Je pense que c'est le jugement. Non, c'est pas mon jugement, c'est le problème du CFCM. Le problème du CFCM, c'est que jugement, vous occultez l'opinion majoritaire. C'est votre jugement. Moi, je suis allé après avoir voté le bureau exécutif. Celui qui est élu sur les mètres carrés. Non, c'est pas vrai. Le bureau exécutif, même si c'est, vous ne savez pas comment ça se passe. Le bureau exécutif ne représente pas forcément les élections. C'est un bureau pluriel. Il représente toutes les composantes du centre de France. Ceux qui sont arrivés en tête aux élections, ils avaient 2 représentants parmi 17. Donc c'est pas question de. Il n'y a pas une majorité qui a été élue et qui avait une même opinion. Tous ceux qui étaient là, ils ont dit qu'on n'a pas intérêt à détourner le regard de l'opinion publique en créant un sujet d'actualité. Mais pourquoi on ne vous entend même pas là ? Je comprends, j'ai très bien compris le principe, mais pourquoi est-ce qu'on ne vous entend même pas ? Je le dis clairement. Je vous parle pas d'un communiqué qui fait 50 lignes sur le site. Je vous parle, pourquoi est-ce qu'on vous entend prendre position pour les otages soi-disant, bon moi je rentre pas là-dedans, bon, dans les otages qui seraient pris à l'étranger, quoi que ce soit, par des pseudo-groupes terroristes. Pourquoi est-ce qu'on prend position sur ces cas-là ? Attendez. Lorsque leur appartenance à la religion musulmane est énoncée, là on est obligé de défendre notre religion. Alors vous défendez votre religion, mais il faut la défendre aussi dans les autres cas de figure. Oui. Comme par exemple celui où un État quasi... C'est pas un problème religieux, c'est un problème politique. Encore une fois. D'accord. Le fait de lui donner une dimension religieuse, ça pose le problème. Parce qu'il y a un occupant et des occupés. Les occupés sont quand même musulmans. Vous êtes le représentant du culte musulman. La majorité. On parlait d'ethnie. Moi, je ne parle pas d'arabe. On n'a pas intérêt à dire que le conflit. Ça a eu passé un conflit entre juifs et musulmans. C'est pas le cas. C'est votre point de vue et il n'y a pas de problème. Moi, je vous pose la question. Mais malheureusement, pourquoi le CFCM ne prend pas position ? Je vous ai donné. C'est vrai. Je vous demande une dernière chose, c'est un cas concret. C'était pas prévu, j'ai un train. Je vous accompagne. Juste vous parler d'un cas bien particulier. C'est le père de. فنحن لا نحتاج إلى صواريخ عابرة للقارات ولا بعيدة المدى، فقواعدهم قريبة علينا ونضربها في كل وقت. ونقول لأعداء الله سوف تدق صواريخنا بإذن الله تعالى معاقلكم وتزلزل أركانكم والعاقبة للمتقين. بإثبات قدرتنا على تصنيع هذه الأسلحة بعد إعلان الجيش الأمريكي انسحابه المزعوم من العراق، يعني إثبات قدرة المجاهدين على الاستمرار في المعركة.